Salut tout le monde et bienvenue dans Let's Talk Venture, le podcast des voyageurs, backpackers et aventuriers aux folles histoires. Je suis Tony et aujourd'hui, je discute avec Alain, l'un des cofondateurs de l'Alter Hostel, l'auberge participative qu'on adore. Ensemble, on discute de son ancien travail avant de créer l'Alter Hostel, de ses 19 mois passés en Amérique latine et des nombreuses anecdotes de voyage durant ses aventures. On le félicite d'ailleurs car depuis cet enregistrement, il est devenu papa, comme il le raconte durant l'interview. Je vous laisse donc en sa compagnie, Let's Talk Venture with Alain. Pourquoi t'as ramené du comté, je comprends pas. Mais pour l'apéro, parce que c'est une interview avec de l'apéro, voyons. Ah. Ok. Salut Alain, ça va? Ça va, super, ça et toi? Oui, ça apéro. A commencé à enregistrer. Tu veux une petite bière ou bien? Je dis pas non. Blanche ou blonde? Je veux bien une blanche, s'il te plaît. Allez, t'as de la chance. Tu m'as dit apéro, alors apéro. Ben c'est un échange de bons procédés, je t'amène le fromage, je t'amène la bière. Tiens, celle-ci c'est la blanche, voilà. Eh ben, Chin. Santé, Chin. Oui. Alors, est-ce que tu peux te présenter brièvement? Oh là là, brièvement, je sais pas. Alors, Alain Béraud, 33 ans, et bientôt papa. C'est vrai, félicitations. Dans 23 jours normalement, alors peut-être avant. C'est pour ça, tout à l'heure, je passais un petit coup de fil pour prendre des nouvelles de la famille. Quoi. Ouais. Grande étape. Ils sont grande étape, exactement. Grand changement. Ouais. Ouais. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Que j'ai fondé l'Alter Hostel avec Samuel. Avant, j'étais chef de projet dans l'éolien. L'éolien industriel. Donc, développement et construction. Je suis passé par plusieurs interrogations dans ma vie, donc des petits boulots qui m'ont appris beaucoup de choses. Et puis, en même temps, création de l'Alter Hostel, parce que ça a été assez long. Et tu m'avais dit que ça avait pris 5 ans, c'est ça, ouais. À faire l'Alter Hostel? 5 ans, oui. Et t'as quitté l'éolien quand? 2013, juin 2013. D'accord. Si t'avais vu que ça, c'était une bonne idée, mais c'était pas si bien fait que ça au final. De quoi, de quitter l'éolien? Non, parce que en fait, c'est quand j'avais vu en cours que l'éolien, en fait, c'est une très bonne idée, sauf que c'est pas si efficace que ça au final. Enfin, là, c'est un autre débat, tu vois, mais c'est. On peut en discuter, je sais pas combien de temps on a. 45 minutes, une heure, c'est comme tu veux. Moi, à la base, je suis anti-nucléaire, donc ça va pas être un avis. Un avis subjectif. Pour moi, l'éolien, c'est une composante d'une production énergétique. Ouais. Et en fait, il est mal fait en France, puisque ça devrait être, comme tout moyen de production énergétique, ça devrait être étatique. Le problème, c'est que ce sont des entreprises privées qui... Ça veut dire quoi, étatique, déjà? L'État, c'est étatique, l'État qui d'accord. gère. Ouais. Comme à l'époque, après-guerre, on a créé EDF, c'était pas pour rien. Et en fait, maintenant, c'est privatisé. Tous les moyens de production, donc chacun fixe ses prix, c'est sûr. Mais l'éolien, du coup, tu prends une part du terrain, et donc il y a un impact, qu'il soit négatif ou positif, il y a un impact, que ce soit sur les animaux et sur la terre, puisqu'il y a une terre arable qui ne devient plus agricole. Donc du coup, il faudrait que ce soit compensé par l'un et par l'autre, et il faudrait que l'État puisse compenser. Et là, du coup, ce sont une guerre des entreprises privées qui achètent en fait des terrains, okay. c'est ce qui se passe. Et pourquoi ça peut plus être agricole? Parce qu'il y a une grosse plateforme entre 2000 mètres carrés et 5000 maintenant qui est stabilisée. Parce qu'il y a des passages de câbles, parce qu'il y a des gros camions qui viennent dessus. C'est... Ah ouais, d'accord, ok. Ah, je savais pas que ça prenait autant de place en fait pour mettre en place de l'éolien. Ok. Pour moi, c'est un bon mode de production. Ouais. Comparé au photovoltaïque, mais il est mal géré. D'accord. Moi, je bossais pour une multinationale espagnole en France, un fonds d'investissement allemand achetait. D'accord. Okay. Donc, c'est là qu'on voit que c'est compliqué. Donc, du coup, j'ai utilisé mes compétences dans l'industrie pour monter un parc éolien participatif en France, en Bretagne. Mon pays dont je suis originaire. Pays. Exactement. Où est ton drapeau? J'en avais un avant à l'Alter. Quand tu te connectes, tu vois, il a disparu. Et du coup, ce parc éolien fonctionne, Bégane. Et on a. C'est un financement participatif, donc il y a eu D'accord. 12 millions et demi de levées. La grande chance, c'est que la Bretagne est une terre anti-nucléaire. Ouais. Donc, du coup, beaucoup de marins bretons qui ont un petit peu de sous de côté ont participé. Cool. Et ça a pu à hauteur de 50, 60 000 à chaque fois. Donc, du coup, ça donne des gros coups de pouce. Ouais. Et on a pu faire une grosse levée de fonds. Et ça a fonctionné. Et donc, du coup, on a calqué ce moyen de financement pour financer l'Alter. D'accord, trop cool. À une échelle beaucoup plus petite, Ouais. bien sûr. Ça fait un gros virage entre l'industrie et la gestion Ouais. d'une auberge. Il y a des similitudes. Il y a des similitudes. Aucune compétence ne se perd, mais. Mais en fait, c'est marrant, c'est que. Quand je travaillais dans l'éolien, je disais toujours. J'ai envie d'arrêter de travailler dans l'éolien pour gérer plus d'humains. Parce Ouais. qu'avant, je gérais des machines. Je gérais de l'humain aussi, mais c'était différent. Et là, du coup, on est neuf, une équipe de 9 personnes. Et on gère plus d'humains que de techniques, que de machines. Et j'avoue que c'est une composante qui est compliquée, qui est difficile, parce que bah, c'est la composante là où on a le moins bien réussi, je pense, à l'Alter Hostel. Parce que dès qu'il y a quelqu'un qui est bien, il va vouloir partir. Enfin voilà, l'humain, c'est compliqué, il faut le comprendre. Et Dès qu'il y puis, a quelqu'un qui est bien, il va vouloir partir. dans l'équipe, ouais. Ah bon? On est quand même à 22 salariés Ouais. en 23 mois. D'accord. Donc ça fait un salarié qui part chaque mois. Ah oui, quand même. Ben on nous compte en nous, si tu veux, mais c'est le monde à l'heure actuelle instable, je dirais. Ouais, c'est tout le monde en fait se cherche un peu dans C'est les ça. travails et une fois qu'on a fait le tour, on change d'expérience pour aller ailleurs. Ben c'est ça, on peut regarder, hein. Mais si je dis pas de bêtises, 21 en nous comptant. Donc il y a Et 8 ça, mois. c'était en combien de temps? En 2 ans? 23 mois. En 23 mois. Donc je savais quasiment un par mois. Ouais. Et ouais, c'est la principale problématique, et en discutant avec d'autres professionnels, que ce soit, là on en discutait avec Olivier, un passager tout à l'heure, bah, avec qui t'as discuté, son Ouais. père, son frère, pardon, un magasin de moto, bicyclette, vélo, là. Et lui, il a du mal à trouver des gens compétents, mécano, quoi. Un mécano, il a du mal à trouver, compétent. Donc je pense que la problématique de l'humain revient dans toute entreprise, qu'elle soit grande ou petite. Ouais. Voilà, c'est lié après à notre problème sociétal, de chômage, ainsi de suite. Mais bon, un grand débat. Là, une heure, on n'aura pas assez, c'est sûr. Du coup, en parlant, tu m'avais dit, tu avais bossé pour une compagnie espagnole. Oui. Parallèle, du coup, Bretagne, coin de la France, qui va tout droit vers les Amériques latines. Et Ouais. du coup, en fait, donc ce voyage, tu m'avais dit, tu as passé combien de temps en Amérique 18 latine? mois. 18 mois en Amérique latine. À quel moment de ta vie? Et bah, je faisais mes études, j'avais fait un stage, j'ai eu la chance de faire des études, une partie de mes études en stage, à Mendoza en Argentine. Et puis, j'avais Cordillère des Andes, du coup, j'avais pas eu le temps d'aller découvrir Buenos Aires parce que c'était de l'autre côté. Toujours prépare le temps. Le temps. Et du coup, je m'étais dit que j'allais y revenir. Et j'ai fini mes études, j'ai travaillé pour pouvoir financer le voyage, forcément. Et j'y suis reparti après un an. Puis entre-temps, je suis tombé amoureux de l'Uruguay. J'ai une petite amie uruguayenne. Donc voilà, j'étais partagé entre Buenos Aires et Montevideo. Et quoi? Et Montevideo, la capitale de Montevideo. l'Uruguay. D'accord, Et Rio de la Plata, ok. j'étais entre les deux. Du coup, tu es polyglotte français, anglais, espagnol. Je maîtrise moins bien l'anglais, de loin. Ouais. Mais je m'en sors, je le comprends. D'accord. Mais je m'en sors bien en espagnol. Ce qui peut être un atout. Comme là, tout à l'heure, il y avait une brésilienne. On se comprend, du coup. Parce que c'est pas les mêmes accents. Du brésilienne du sud. On va se comprendre. C'est Qui bon. n'est pas du tout pareil, la même manière de parler que aussi les Espagnols espagnols, Non. qui ont un accent plus Eh ben rural. ouais, et puis même au-delà de ça, vocabulaire là tout à l'heure, donc il y a un Workaway Alfonso qui est espagnol, donc on parle un peu espagnol. Et il me disait, ouais, c'est ma dernière journée à curar. et je ne savais pas ce que c'était, curar, parce que c'est travailler, c'est bosser en fait. Ah. Et en Amérique du Sud, on dit laburar. Et laburar, ça vient de l'italien en fait. Ah. Le sud-américain, on va dire, est plus proche de lunfardo, on dit, plus proche de l'italien Ouais. que de l'espagnol, de l'Espagne. J'ai même vu, quand je devais être en Colombie, et puis on faisait un asado, un barbecue avec des Argentins. Et il y avait un Galliego, comme ça se dit en Amérique du Sud. Les Espagnols, ils sont surnommés les Galliego, les Galiciens, parce que c'est ceux qui sont venus coloniser l'Amérique du Sud. Et on dit Gachéo, même. On Et a des du bons coup. clichés, on est bien vu là-bas. Ah, petit colonisateur. Voilà, c'est ça. Tu reviens sur les terres de tes ancêtres, quoi. Ouais. Et du coup, des jeunes Argentins qui discutaient entre eux, et on discutait même entre nous. Et à un moment donné, il y a le Gachéo qui dit: j'ai strictement rien compris de ce que vous avez dit. Et ils parlaient la même langue, mais ils se comprenaient pas. Attends, entre qui? Entre le Galicien Ouais. et les Argentins, Ok. parce que c'est un peu un langage de rue. Ouais. Et du coup, ils se comprenaient pas. Il y a les accents qui sont différents, ils se sont pas compris. Et il a même dit, comme quoi, ça peut être la même langue, ça peut être, je pense, ça peut être pareil avec un Chinois qui est du Sud et le Chinois qui est complètement à l'Ouest, quoi. D'accord, à ce moment-là. Ah oui, il y a des Tu différences qui penses sont. que si on doit faire un rapprochement, c'est similaire à un Français et un Québécois ou pas? Ou Non, c'est... non, il y a plus de différences. Pour moi, il y a plus de Il y a différences. encore plus de Ouais. différences? Oh la vache. Il y a plus de différences parce que le vocabulaire que les Québécois utilisent, on va dire que c'est un vocabulaire qui est plus ancien pour nous, D'accord. alors qu'en Amérique du Sud, il y a une influence italienne. D'accord, ok. En Amérique du Sud, moi, c'est à Buenos Aires, j'ai souvent entendu à las 6 de la matina. C'est à 6 h du matin, mais c'est complètement un mélange c'est le lunfardo, c'est la langue de Buenos Aires, on appelle ça, c'est un dialecte. Il y en a plein des exemples, hein, comme ça, laburar. Tout ce qui vient de la rue, tout ce qui vient familier en fait, a une influence italienne, puisque D'accord. il y a un célèbre dicton qui dit, alors j'essaie de le retrouver, un Aztèque descend, c'est quoi, c'est un Inca descendu, je sais plus ce que c'est, ta ta ta ta ta De la ta, et à la fin, pyramide, ouais, je sais de la plus, et à la fin montagne. on dit l'Argentin descend du bateau, puisque du coup c'était principalement de Gênes. Et je pourrais souligner, du coup, j'ai un très bel exemple amical. Marcel, chez qui j'ai travaillé, donc une petite quincaillerie familiale. Son père est franco-uruguayen. Ouais. Et du coup, lui est né en Uruguay, il est revenu en France. Mais son père est marseillais à la base. Il y a eu la guerre en Indochine. Et donc, du coup, donc la grand-mère de Marcel a dit, toi, mon fils, tu feras pas la guerre. Donc ils sont partis avec un bateau de Gênes, généralement ça partait de Gênes, jusqu'à Buenos Aires, et après ils atterrissaient à Montevideo. Gênes, c'est où déjà? C'est Italie. Italie. Italie du Nord. Donc il y a énormément de bateaux qui sont partis pour Buenos Aires et après coloniser toute l'Argentine et l'Uruguay. Et voilà. Donc ils ont une grosse influence italienne. Cette Europe colonisatrice. Exactement. Du coup, mis à part le fait que tu as eu une opportunité, tu avais des affinités pour vouloir partir en Amérique latine, ou c'était vraiment juste le hasard et la chance en quelque sorte? Non, j'ai toujours voulu connaître. J'ai toujours eu une influence un petit peu hispanique dans ma famille. De grands amis, mes parents sont franco-espagnols. Bah, lui est espagnol, Miguel. C'est un espagnol de Tolède. Donc j'ai toujours vécu avec un brouhaha espagnol. Et puis il y a ce cousin de mon grand-père qui est parti. Après-guerre, dans les années 50, direction Lima, donc le Pérou, donc là c'est une autre Amérique du Sud. Ouais. Il est curé, et il est parti aider les orphelins là-bas. Et je sais pas, j'ai toujours entendu parler de ce cousin qui est parti là-bas et que j'ai vu à l'enterrement de mon grand-père. Donc c'est qu'ils s'entendaient bien et que j'ai revu à Lima du coup quand je suis allé Trop là-bas. cool. Ouais, une belle rencontre. Ouais. Quelqu'un qui est assez extraordinaire. Moi, je suis pas du tout religieux, alors que lui, au contraire, l'est profondément, mais il en joue. Il va te dire, oh bah Alain, je sais que on va pas faire une bénédicité, on va pas faire. Mais c'est comme ça. Il m'emmerdait pas avec ça et Ouais. c'était tout agréable. Et son combat là-bas est quelque chose, parce qu'un orphelinat à Lima, Alors maintenant, Folina, on va dire que cet homme-là distribue plus de préservatifs que n'héberge d'enfants. Il a un autre combat et il a, je ne sais pas quel âge il a maintenant, mais il doit avoir 80-85 ans. Et c'est une ouverture religieuse, puisqu'on a toujours entendu le pape qui disait pas de préservatifs, et alors que lui, on distribue des cartons entiers. Et j'ai trouvé ça beau parce que du coup, dans un pays comme, dans une capitale comme Lima, on peut appeler ça un bidonville, certains quartiers, enfin, il y a beaucoup de choses à faire. Comme quoi, ça m'a. Moi, à la base, étant breton, certes, on est très religieux en Bretagne, moi je ne le suis pas du tout. Je suis pas baptisé, mes parents ne sont pas mariés à l'église. Mais j'avais quelque chose un peu contre la religion. Et là, je me suis dit, bah, la religion peut faire quelque chose puisqu'elle a des moyens financiers et humains surtout, des gens qui sont à l'intérieur qui peuvent faire des choses. Mais je pense que c'est comme partout dans l'humanité, en fait, tu as des personnes qui sont bien dans tous les domaines et tu as des personnes qui sont moins bien dans tous les domaines. Et malheureusement, avec les médias d'aujourd'hui, c'est on voit plus, par exemple, dans les personnes qui sont un peu choc, en quelque Ouais. sorte, dans même le côté religieux, Ouais. alors qu'il y a de tout, en fait. Dans tous les domaines, il y a des gens bien, il y a des gens pas bien. Bien Et sûr. c'est ce grand-père, non, cet ami de Cousin de mon grand-père. ce Ouais. cousin de ton grand-père a l'air d'être dans la bonne catégorie. Des Bah oui, c'est ça. Jedi, au moins Ouais, je dirais. Ouais, et puis pour la petite histoire, c'était assez marrant parce que du coup, on est allé manger dans un petit restaurant là-bas, donc bon, à base de riz et de poulet. Oui! Enfin! Parlons de riz. Et du coup, il me disait, ah bah ça me change un petit peu des pensionnaires que j'ai, parce qu'il c'est quelqu'un, un homme qui a 80 ans. Il me disait, le plus jeune a 88 ans. Donc voilà, parce que du coup, les pensionnaires, pas de l'orphelinat, mais des personnes qui l'accueillent des religieux. Parce qu'il y a des religieux qui font des tours comme ça, je sais pas si on peut appeler ça encore des missions. Je sais pas trop. Oui, pourquoi Puis après, il me racontait toutes ses épopées. Bah lui, quand dans les années 50, il faisait Paris, Cayenne, après Cayenne, Caracas, Caracas, Bogota, Bogota, Lima, enfin toutes les capitales, parce que c'était des petits avions. D'accord. Alors que maintenant, il fait un Lima, Lima, Paris. Ok. Voilà. Donc la deuxième fois où tu es retourné en Amérique latine, tu avais un plan précis en tête ou c'était vraiment juste de l'exploration pure Mon idée là-bas, Donc. c'était de rester. Je voulais rester en Amérique du Sud. D'accord. Je voulais rester, travailler, m'installer. J'étais prêt à. J'avais tout quitté, quoi, en France. Un peu par rébellion, me dire, je vais aller voir ce qui se passe ailleurs. Ça m'a fait du bien. J'ai vécu mes expériences jusqu'au bout, des expériences très fortes. Parce que je suis parti seul. Mon ex-uruguayenne, elle était en France, en fait, à contrario de ce qu'on peut penser. D'accord. On s'est retrouvé après en Uruguay pour voir sa famille, mais du coup, elle était en France. J'ai vécu toutes mes expériences, notamment Argentine. Je vais parler plutôt du Cono Sur, c'est-à-dire Chili, Argentine, Uruguay. Parce que pour moi, l'Amérique latine, l'Amérique du Sud, après, parce qu'il y a l'Amérique centrale que je ne connais pas. Il y a vraiment des différences entre Chili, Argentine, Uruguay, ça c'est un premier bloc. Le Brésil, c'est un deuxième bloc. Après, il y a Pérou, Bolivie, Paraguay, c'est un troisième bloc. Et après, il y a tout ce qui est. On commence à sentir l'Amérique centrale, Colombie, Venezuela, et les trois petits pays, Guyane, Suriname. D'accord. Je diviserais un peu comme ça. Et chacun de ces blocs a une culture bien spécifique à eux, c'est Ouais, ça? ouais, ouais. Mais même côté Chili, hein, c'est des pays qui sont tellement grands, du nord au sud, il y a 4 000 km. Donc, entre le nord et le sud, ils se connaissent pas, la bière est différente, les plats sont différents, les hommes sont différents. Donc, l'Argentine, peut-être un peu moins, parce que l'Argentine, je vais beaucoup en revenir, parce que c'est un pays que j'adore. Il a une histoire, ce pays a une histoire particulière. Avec toutes ces problématiques financières qu'il a à l'heure actuelle encore et qu'il a eues, il a dû faire des zona franca, c'est des zones épargnées d'impôts, des zones franches, voilà, des zones D'accord. franches dans le sud. Donc il a exporté des gens de la capitale jusque dans le sud, à Ushuaia ou autre, pour fabriquer des téléviseurs ou des choses comme ça, et des gens qui étaient payés deux fois plus parce que les entreprises étaient exonérées d'impôts. D'accord. Ils ont tout un système un peu comme en Europe. Ouais. Alors qu'au Chili, je ne sais pas s'ils l'ont. En Uruguay, ils l'ont pas. L'Uruguay, c'est pareil, c'est un pays. On pourrait en parler. Qui est, ça fait la taille de la région Rhône-Alpes-Auvergne. Ils sont 3 millions. Autant à l'extérieur du pays. Ils parlent très bien les anglais et les jeunes, hein, anglais et espagnol. Ils surfent avec trois monnaies sans souci, le real, le dollar US et le peso uruguayen. Alors que le peso uruguayen est utilisé, mais on va dire c'est minoritaire. Alors après, on dit que voilà, c'est un paradis fiscal, ça c'est clair. Peut-être pour ça qu'il y a beaucoup de Français, je sais pas trop. Ça a été aussi à l'époque sous couvert un pays où on pouvait transformer forcément la cocaïne en dollars US et ensuite les exporter, ça c'est évident. Mais c'est un pays qui a trouvé une stabilité qui est assez impressionnante et d'un calme épanouissant. Moi je voulais rester, ah, c'est grandiose. Montevideo c'est une capitale d'un million et demi d'habitants, mais c'est tout calme, c'est tout serein. Ouais. Bon, il y a des travers forcément comme dans toute grande ville, mais très belle ville. D'accord. Uruguay au natural, comme on dit. Et du coup, tu faisais quoi quand tu étais là-bas pour travailler, pour Ouais, créer? alors en Argentine, ça a toujours été compliqué. L'Argentine, de toute façon, c'est toujours compliqué. Des petits boulots, mais sous-payés, alors déclarés, ça c'est sûr que non. Mais fallait vraiment ramer. L'Uruguay un petit peu moins, mais il fallait quand même ramer. J'avais deux travails en fait. Je travaillais de nuit dans un hôtel Plaza Cagancha, l'hôtel Presidente, le plus grand hôtel de Montevideo. Après c'est pas grand, hein, je veux dire tenu par un Français forcément. Et je travaillais dans un petit bar à côté lors des soirées 18-23 quoi. D'accord. Voilà, mais à la fin j'étais fatigué d'avoir deux travails non déclarés. En gros, le jour où j'arrêtais, j'avais rien, quoi. C'est un peu notre problématique. Et je me suis dit, en fait, en France, on a de la chance. On a une sécurité sociale, parce qu'à côté de ça, j'avais toujours un compte en France. J'avais une assurance voyage, j'avais tout ça. Donc si jamais j'avais un gros pépin, je pouvais avoir des remèdes. Mais que les Uruguayens là-bas, ils ont rien, quoi. C'est un pays, contrairement à ce qu'on pense, qui est assez pauvre, hein. Tout le monde ne vit pas. Ouais, j'imagine. Donc, Puis même si toi, tu devais accumuler deux travails pour ben, survivre et tout, donc, je pense qu'il n'y a pas tout le monde qui est prêt à passer sa vie à travailler ouais. pour juste survivre en plus et pas vivre. Bah c'est ça. C'était alors que c'est le billet de transport le plus cher. C'était à l'époque, c'était un dollar US. Je sais pas maintenant, mais et là-bas, tout le monde paye son ticket de transport, par exemple. S'il y en a un qui fraude, le chauffeur s'arrête et il lui dit de descendre et il descend. Grand respect aussi. Ça, c'est bien, ça. C'est différent de la France, ça Ouais. pour le coup. Ouais. On aime ou on n'aime pas, mais c'est différent. Ça, c'est assez. Alors qu'en Argentine, ça pouvait plus se faire, mais. Après, j'ai des anecdotes, par exemple, en Argentine, un truc qui arrive souvent, c'est la carte bleue expire. Ma carte bleue est arrivée à expiration. D'accord. Donc j'en demande une nouvelle à ma banque, Crédit Mutuel de Bretagne, Ouais. forcément. Et du coup, ils envoient ma carte bleue. Mais là-bas, toute monnaie étrangère est interdite, à l'époque, parce que maintenant le dollar est autorisé. Donc du coup, à la douane, ils bloquent ma carte bleue. Et je leur dis, c'est une carte bleue. Mais ils me disent, monsieur, on n'en est pas sûr. Et tout. Bah, je leur dis, ouvrez le truc et tout. Et forcément, ils vous font attendre et tout ça. Sans parler de bakchiche, j'ai pas filé de bakchiche. C'est quoi le backstage? Un pot de vin. Ah. J'ai rien fait, mais du coup j'ai attendu. À l'aéroport de Buenos Aires, à Ezeiza, qui est à 30 km du truc, enfin bref. Et je leur dis, bah, il faut que je sorte avec ma carte, puisque moi, mes dollars, mes pesos argentins, j'en avais pas assez en fait pour vivre. Donc là, vous imaginez une personne avec un petit colis, un peu comme celui-ci, là. Il prend des gants, tac, il ouvre le truc avec un couteau, il dit, monsieur, vous regardez bien ce que vous faites et tout. Bah oui, je regarde. Et il sort une carte bleue, il fait, c'est une carte bleue. Je lui fais, bah oui, c'est ce que je vous dis depuis le début, quoi. Et il me dit, vous savez que c'est interdit? Bah je lui fais, oui, mais on fait comment? Parce que moi, j'ai besoin de ma carte bleue. Je lui dis, je suis quand même pas le seul étranger dans ce cas-là. Et il me dit, ah bah on va attendre et tout ça. Je fais, on va attendre quoi? Ça fait déjà, je sais pas combien de temps qu'on attend, qu'est-ce qu'on va attendre? Et donc j'attends, je passe de bureau en bureau, donc je paye des impôts. Bon? Ah bah oui, ah bah forcément, pour récupérer la carte, il faut payer des impôts. Donc c'est là que je sais pas si c'est pot de vin ou pas, on signe des papiers, mais bon. Comme quoi, il a bien ouvert le colis. Donc il a fallu que je paye ce fonctionnaire-là, avec un contre un papier. Je passe d'un bureau à un autre. Je me rappelle, c'était bureau 1, 2, 3, 4, 5. J'ai fait tous les bureaux comme ça. Puis arrivé au cinquième, on me dit, vous retournez au premier. Je fais, c'est une blague, je vais retrouver ma carte à un moment donné ou pas. Et donc je revois un fonctionnaire qui m'explique que la carte est interdite, puisque du coup, c'est pas une monnaie nationale. C'est pas une monnaie peso argentin. Mais je dis, oui, mais le peso argentin, on le trouve qu'en Argentine. Si je peux pas sortir dans le cajero automático, le DAB, si je peux pas retirer de peso argentin avec une carte, je pourrais pas en avoir. Puisque j'avais pas le droit de travailler légalement, j'avais Ouais. pas de visa. Donc du coup, à un moment donné, j'ai pas compris, j'étais dans la salle d'attente, au bureau 3, on m'appelle, bureau 3 ou bureau 4, je sais plus. Et on me dit, ça y est, on me tend la carte et il faut payer tant. Voilà, j'ai payé tant. J'ai eu ma carte. Ça a été long. Il a fait c'est combien de temps là, Ah, je sais pas, une demi-journée, je tout? crois. Ah, une demi-journée. Ah, Ah ouais. Ça, c'était le clou du spectacle. Et du coup, après, j'informe ma banque. Je ne suis pas le seul breton à aller en Argentine. Le breton voyage, notamment en Atlantique. Le breton voyage. Et du coup, ils me disent, bah non, mais j'ai regardé dans les petites lignes, effectivement, l'Argentine, les monnaies étrangères sont interdites. Bah, je dis oui, mais la prochaine fois, vous prévenez, quoi. Ok. Donc ça a été... Je me rappellerai. Ma carte. Bah oui, parce que du coup... Bon, c'est là que j'ai appris toujours avoir des devises. On n'est pas en Europe, hein. Des devises, pas mal de devises, et dans différentes monnaies. Ouais. C'est pour ça qu'après, je suis parti faire un voyage. Donc j'ai remonté toute la côte ouest, d'Ushuaia jusqu'à Bogota. Et j'avais toujours différentes devises. Donc forcément des dollars US. Ça, où que vous soyez en Amérique, sur le continent américain, je précise. Parce qu'en Europe, ça, je sais pas, ça sert beaucoup. Et puis des petites monnaies, des petites devises. Alors pas le peso argentin. Puisque pour la petite histoire, je me suis retrouvé avec un billet de 100 pesos argentins. Donc maintenant, ça doit valoir une dizaine d'euros. C'est la monnaie la plus élevée. Hein. Le billet le plus élevé. Et 100 pesos argentins, à l'extérieur du pays, ça en vaut la moitié. Tellement il y a une déflation de la monnaie. Ah ouais. Un Chilien me proposait la moitié pour acheter. Donc il valait mieux le garder en fait et en Ouais. faire des papillotes quoi. D'accord. Et pour la petite histoire, donc du coup, il y avait le dollar blue à Buenos Aires. Donc c'est du dollar illégal. Donc moi avec ma carte internationale, ce qui se passait, c'est que je traversais le Rio de la Plata. J'allais dans un DAB uruguayen, je retirais des dollars US. Et ensuite je les échangeais au dollar blue sur le marché noir du coup de Buenos Aires et je me faisais une plus-value de 30 ou 40%, hein, c'était astronomique. C'est commun là-bas? Tout le monde fait ça ou Ah c'est... bah à l'époque, parce que maintenant le dollar est autorisé. Elle a changé. Ah. Christina Kirchner, je parle de ça il y a un moment. D'accord. Hein. Maintenant c'est Macri qui est au pouvoir. Juste pour info, Macri, il est dans les Panama Papers. Hein, donc c'est la corruption en Argentine est large et elle est connue. Elle est connue de tous. C'est pas pour rien si le fils de Pablo Escobar y est, c'est pas pour rien si Pablo Escobar, donc grand narcotrafiquant colombien, avait des immeubles à Buenos Aires, ainsi de suite. Enfin, la corruption, elle est très importante en Argentine. Et c'est pour ça qu'il y a ce petit pays qui est juste à côté de l'Uruguay, où on faisait le trafic, en fait, entre D'accord. les dollars US Ouais. et les pesos argentins. Et juste pour vous dire, bah, du coup, moi j'y allais souvent comme ça en Uruguay. Retirer des dollars US et à la fin j'ai changé en peso argentin parce que j'ai traversé toute la côte est donc de Buenos Aires jusqu'à Ushuaia donc ça fait au moins 2000 km T'avais pas dit ouest tout à l'heure? si et après j'ai remonté ouest Ah, ok, d'accord. j'ai fait Buenos Aires Ouais. côte ouest jusqu'à Ushuaia et après Ushuaia jusqu'à Bogota en remontant par la cordillère des Andes et le Chili Ok. donc du coup j'ai fait deux côtés donc j'avais un certain temps à faire en Argentine donc du coup j'ai échangé énormément de dollars. Les montants exacts, je me rappelle plus, mais il me semble que ça devait être 2000 dollars, un truc comme ça. Donc vous imaginez 2000 dollars en peso argentin, sachant que le plus grand billet c'est 10 euros. Bon, j'ai mis trois monnaies, mais c'était énorme ce que j'avais du coup comme liasse. Et donc il y a bel et bien là-bas un problème monétaire. Monétaire et avec le FMI, enfin bref, hein, parce qu'ils étaient sous contrôle du FMI à l'époque. Mais ça, c'est des histoires qui m'intéressent parce que c'est en fait c'est intéressant. Et juste pour vous dire, il y avait je voulais partir. C'était au moment de l'anniversaire de ma mère, ça devait être le 27 ou 28 octobre, si je me trompe pas, 2015. Non, 2014. Et du coup, vote là-bas des sénateurs. Et forcément, vu qu'on est dans un pays où faut montrer l'exemple, ils allaient élire leurs sénateurs. Et ben, il n'y avait plus le mercado, là où on pouvait acheter les dollars et les vendre. C'était fermé pendant 3-4 jours parce qu'il y avait les élections. Il y avait les élections, donc il fallait faire patte blanche. Et moi, c'est juste le moment où je voulais partir. Donc il a fallu que j'attende les élections pour ensuite, une fois qu'ils ont été élus, bah le surlendemain, c'était bon, hein, tout ouvrait. Hein. Donc on pouvait aller échanger ses devises. Et c'était, je me rappelle, j'avais une grosse liasse, j'avais un petit élastique, et il y avait un tampon de la Banque nationale argentine. T'avais pas peur de te promener avec autant d'argent comme ça dans un sac? Si, si, j'ai eu très très peur. À Bahia Blanca notamment, j'ai eu très très peur. Mais j'étais obligé parce que dans le sud du pays, il y a plein d'endroits où il n'y avait pas de TPE. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de vols en fait de touristes parce que ils savent que les gens ont beaucoup d'argent, notamment quand on est à pied, en bus. Moi j'étais en stop. J'avais pas mal de dollars, mais ça se fait bien. Bah, tu développes des comportements de paranoïa, tu sais, tu te promènes et tu marches, tu regardes de tous les côtés, tu fais l'air douteux, monsieur. Ouais, On c'est va ça. marcher vite. Ouais. Ah bah après, donc en partant de ce voyage-là, en Argentine, il y a des trains, en Amérique du Sud notamment, grâce aux Anglais. Mais c'est des trains qu'on a connus dans les années 50, quoi. Et justement, juste avant d'arriver à Bahia Blanca, bah on percute une voiture. Parce qu'il n'y a pas de barrière au passage à niveau. C'est un train qui continue tout droit et la voiture, elle peut continuer tout droit aussi. Bah forcément, des fois, ça fait ch'tac. Et puis bah là, il n'y a pas quelqu'un qui vous annonce au micro, on attend. Mais ils vont bien? Enfin, il y a Ah, eu. je sais pas, moi, la police D'accord. est venue, les pompiers, mais je sais pas, on a attendu 2-3 heures et le train est reparti. Voilà, il n'y a pas plus d'infos, il n'y a pas de micro, il n'y a rien. C'est là qu'on voit la différence La avec notre culture, pays, ouais, ouais. tout ce qu'on peut connaître. Du coup, en parlant de culture, c'est quoi, du coup, les clichés que tu avais sur l'Amérique latine avant d'y aller et ceux qui ont été brisés en éclats, disons comme ça? Qu'est-ce que les clichés? Ou les clichés qui sont vrais au final? Bah que les Sud-Américains sont des danseurs. Oh! Ça c'est clair. Ça c'est clair. Bon. La sensualidad. Ouais, la sensualidad. Non, mais c'est vrai, ils ont une manière de. Ils ont le rythme dans la peau. Ouais. Je me rappelle J'étais en Colombie, à Medellín, malheureusement connu. J'allais dans un endroit, comme un hangar, il faisait très très chaud. Et tout le monde dansait, les hommes, les femmes, tout le monde dansait, c'était magnifique. Et tout le monde avait le rythme, c'était beau. Ouais, ils ont le rythme. Une fête aussi que j'avais fait, je sais plus trop où, que j'avais fait. Et puis, tous les âges dansaient, quoi. Alors que chez nous, c'est beaucoup plus calme, les gens sont à table, ou les gens boivent beaucoup, et ils restent assis. Que là-bas, ils peuvent boire aussi, mais ils se dépensent. C'est trop bien. Ouais, ça, c'est une grande Ouais. joie, parce que du coup, ça exprime beaucoup de choses, la danse. C'est génial, ouais, ça, j'ai beaucoup aimé. Et t'es arrivé à danser avec eux ou c'était Ben ouais. plus tu essayais de te débrouiller et t'étais Non, là non, non, non, avec un balai dans les fesses à non, essayer je me suis amélioré. Au début, on me disait, ouais, tu ressembles à un Européen. de. Et je me suis amélioré. Ben, je dansote le tango maintenant. T'as donné des cours, c'est ça? Comment? Il donnait des cours ou t'as appris sur le tas? Non, mon ex était tangué là. Donc, du coup, hein. J'ai appris le tango. Trop bien. Ok, et du coup, maintenant, c'est quoi l'image que t'as de l'Amérique latine qui. C'est quoi, dès que tu penses à l'Amérique latine, t'as quoi comme image en tête? Bah, pas forcément la chaleur. Ouais. Si tu parles au cliché, parce que j'étais à Ushuaia, donc en décembre. Là-bas, c'est l'été pour eux. Ouais. Et il neigeait. En été. Bah oui, parce que c'est très très bas sur le bassin arctique en fait. D'accord. C'est très très bas, donc il neigeait. Ah ok. Donc vous imaginez pas quand il fait froid, quoi. Il fait combien quand il fait froid? Ah ouais, je sais pas, mais je sais pas combien il fait, mais il fait très très froid. Ok, d'accord. Et voilà. Donc ça c'était assez exceptionnel. Et c'est un des clichés. Bah il fait pas tout le temps chaud, quoi. Faut y penser. Ils ont du chauffage? Enfin, oui, je pense qu'ils ont du chauffage quand même. Dans le sud, oui. À Ok. Buenos Aires, ils en ont pas. Ils sont pas. Enfin, ils sont pas tous équipés. D'accord. Il fait froid après, hein, de temps en temps quand même. Hein. Ils ont 10-11 degrés, ouais. Ah, j'imagine. Mais il fait pas tout le temps. Hein. Si je me rappelle de ça, à Buenos Aires, les pannes électriques, en plein été, justement, vu qu'il fait trop chaud, il y a de plus en plus de climatiseurs, bah, des fois, ils ont le réseau qui lâche, quoi. Et j'étais au 11e étage chez une amie, dans un immeuble, donc fallait monter les 11 étages à pied, quoi. Et je pensais aux personnes âgées, aux bono à Eden, comme on dit. Comment ils font? Eh ben, ils se débrouillent, quoi. Là-bas, ils ont pas ce qu'on a en France. Et je me dis, et on prévient pas, hein, dans ces cas-là. Et quand ça revient, on prévient pas non plus. C'est là qu'il faudrait que les gens se rendent compte un petit peu en France, quand on entend tout le temps râler les gens, qu'ils se rendent compte pourquoi et ce qui se passe, Mais quoi. justement, ça, c'est les personnes qui râlent, je pense, c'est les personnes qui sont jamais sorties de la France, qui réalisent pas à quel point on a de la chance ou Bien sûr. c'est qui savent pas que dans d'autres pays ça se passe d'une telle manière en disant waouh, c'est nous les meilleurs, ils devraient agir comme nous et tout. Exactement. Manque d'ouverture d'esprit, d'accord. Et du coup, ils ont quoi comme vision des Français là-bas? Bah, qu'est-ce qu'ils disent comme des Français? Ouais. Bon, en Argentine, il y a toujours le French kiss qui marche bien. Ouais. Et, bah, par contre, il y a un truc qui m'avait impressionné. J'étais en Bolivie. Alors, si on change un peu de pays, et j'ai vu une manifestation anti-français. Et là, j'ai flippé Quoi? là sur le coup. Ouais. C'était à l'époque où Evo Morales est parti en Russie. Donc c'est à l'époque Snowden et Evo Morales. Et on croyait que Snowden était dans l'avion d'Evo Morales. Et donc du coup la France, l'Espagne, l'Autriche, l'Allemagne avaient interdit le survol de ces pays par l'avion de Bolivien. Donc il avait été arrêté, je sais plus dans quel pays, il me semble en Autriche, pour fouille. Et donc du coup les Boliviens protestaient contre les Français. Les Boliviens ont une petite rancœur contre les Français. Ah ouais? Pourquoi? Je sais pas trop. Ils ont des rancœurs contre pas mal de multinationales, puisque Bolloré, peut-être Bolloré n'aide pas, c'est un breton, mais Bolloré est en train de faire l'extraction d'une matière première pour faire du lithium Ah oui, ouais. sous le salaire de Uni. Donc je pense qu'il y a des compagnies notamment canadiennes ou états-uniennes et françaises forcément. D'accord. Il faut savoir que la France a quand même un pied en Amérique du Sud avec la Guyane française. Ouais. Donc voilà, elle n'est pas forcément aimée. Je parle pas des Anglais et des États-Uniens parce que du coup, ils sont vraiment très mal aimés. Des Argentins notamment, si on revient en Argentine, des Boliviens aussi. Puisqu'il y a les Falkland Islands. Et quoi? Las Islas Malvinas. C'est quoi? En fait, c'est tout au sud de l'Argentine. Alors, officiellement, ça s'appelle Falkland Island. Et sur toutes les cartes en Argentine, j'ai vu que c'était barré et c'est marqué Islas Malvinas. C'est un conflit que Margaret Thatcher a mené contre les Argentins dans les années 80. Et les Français ont toujours leur part. Dans cette histoire-là. Puisqu'en fait, les Argentins, ils n'ont pas trop d'armées. Hein. Un peu comme tous les pays du Sud, il n'y a pas beaucoup d'armées. Donc, du coup, quand la flotte anglaise est arrivée, ça a été une hécatombe. Hein. Mais du coup, Margaret Thatcher, elle a voulu ces deux îles où il n'y a que des moutons hein, pour étendre le royaume anglais. Et les Français ont refusé de vendre le fameux missile, je ne me rappelle plus, qu'ils fabriquaient, justement pour que les Américains sur les. Pour que les Argentins sur les avions de seconde main des Américains puissent faire couler les bateaux anglais. Et si les Français l'avaient vendu aux Argentins, peut-être que l'Argentine aurait été victorieuse. Mais elle l'a pas fait. Je ne me rappelle plus du nom de ce missile, mais c'est assez connu. Donc c'est dans les années 80. Et les Français, les Anglais, les Argentins ont une rancœur contre les Anglais. Et du coup, ça perdure encore puisque les Argentins doivent avoir un visa pour aller au Royaume-Uni encore Et il me semble qu'inversement, il me semble que les British, ils doivent avoir un visa pour rentrer en Argentine. Je suis pas sûr dans ce C'est sens-là. normal? C'est pas normal? Non, non, nous on n'a pas besoin. Ah bon? Non, non, non, dans toute l'Amérique du Sud, on n'a pas besoin. Ah! Mais les Argentins, c'est sûr qu'ils ont besoin d'un visa pour aller au Royaume-Uni. Pas en Europe, pas en France ni en Ouais. Espagne, mais au Royaume-Uni. Ouais, donc il y a des. Donc on n'est pas, on va dire, la pire nation, mais les Anglais, les États-Unis sont pas forcément aimés. Et ça dépend des pays. Après, les États-Unis, bon, il y a toutes les dictatures argentines qui ont été renversées ou qui ont été aidées par les Américains. Donc il y a toute une histoire qui est assez. On peut parler du Che Guevara, on peut parler de Fidel Castro. Il y a toute une histoire assez commune à beaucoup de pays. Le Chili, par exemple, il parle très bien anglais parce qu'il y a des bases américaines au Chili et en Colombie. En D'accord. Argentine, ils parlent mal anglais, bah, les États-Unis sont pas trop les bienvenus, quoi. Ouais. Donc voilà, il y a plein de choses. Et du coup, aujourd'hui, avec le temps, tu penses que tu vas y retourner en Amérique latine ou t'as d'autres endroits sur ta bucket list où tu veux aller? Non, je pense que peut-être plus tard, je vais suivre ce qui se passe. Mais voilà, c'était une histoire à un moment donné. Ouais. Je suis toujours en contact avec des copains argentins dans le coin. Mais maintenant, je vais avoir un fils et peut-être qu'on ira ensemble. Mais plus tard, le vol est long. Ouais. Ça fait combien de temps pour y aller? Bah, tu mets du temps, hein. Je sais qu'au retour, t'es obligé d'atterrir à Recife, qui est une pointe au Brésil, parce que sinon, avec les vents, l'avion, il n'y arrive pas. Je crois que c'est pas loin de 14-15 heures, hein, la durée Ouais, quand maximale. même. Ok. Paris-Buenos Aires. Hein. Ouais. Paris-Buenos Aires, ça se fait. Ouais. Moi, c'était de Mendoza, il me semble, ou Santiago, et ouais. Tu mets 14-15 heures, D'accord, ouais, ok. c'est long. Du coup, est-ce que t'as des spots que tu conseilles là-bas? Ah ouais. Allez, bon. Allez, fais-moi une En liste. Uruguay, Vends-moi c'est sûr, du rêve. c'est Allez, on va se limiter à peut-être trois destinations, comme ça on va pas faire une liste trop longue. Ouais, il y en a deux là qui me viennent à l'esprit. En Uruguay, c'est sûr que t'as El Cabo Polonio. Ça, Qu'est-ce que c'est? c'est Cabo Polonio, c'est il n'y a pas de route pour y aller. C'est soit on y va en bus à travers le sable, ou on y va à pied. Donc c'est des gros bus qui ont des roues énormes. C'est assez particulier. Et puis c'est des petits ranchs là-bas qui n'ont pas l'électricité, qui n'ont pas l'eau. Uruguay al natural, c'est ça. Et des grandes plages. Mais bon, ça me rappelle, sincèrement, ça me rappelait la Bretagne, des plages de 3-4 km. Mais là où il n'y a personne, quoi. Il n'y a vraiment personne. Si j'ai vu un phoque là-bas, mais c'est tout. Et ça, c'est le premier lieu qui est vraiment magnifique. Et sinon, il y a Samaipata, en Bolivie. Les Européens le surnomment Samaitrampa. Samaitrampa, en espagnol, c'est un piège. Donc ça veut dire que quand on y est, on y reste. C'est un village qui est assez particulier, bolivien, un peu reculé. Et puis une fête le samedi soir dans un bar le long de la place. Tout le monde y va, tout le village et tout le monde se côtoie. Bon, malheureusement maintenant ou heureusement, je sais pas, mais il y a beaucoup d'Européens qui ont acheté les terres là-bas, qui y vivent. Pas mal de Belges. Et ça, c'était un truc assez étonnant pendant mon périple. J'y étais allé, Samaitrampa. C'est assez marrant. Après, troisième lieu comme ça, un lieu. Il y a 10 ans, il y a un nouvel accès qui a été ouvert. Alors, j'ai plus les noms. Biahuguín, ouais. Frontière chilienne et argentine. Biahuguín, c'est du côté argentin, je sais plus. Pour passer la frontière du coup entre ces deux pays, on passe à travers des forêts originelles, quoi. Forêt originelle? Ouais, ça veut dire que c'est des forêts qui n'ont jamais été exploitées. Trop bien. Il n'y a rien. Ça fait très peu de temps qu'il a été ouvert. Moi, j'y suis passé. J'ai une petite anecdote là-dessus. Je vais vous raconter. Donc, on marche quand même. C'est des distances qui sont énormes, hein, forcément. Je sais plus, 3-4 jours. Hein. Et à un moment donné, il y a un lac passé. Mais il faut que le bateau fonctionne. Et lorsque le bateau côté chilien fonctionne pas, bah, tout le monde se retrouve. Il y a une ferme qui fait aussi office de camping, forcément. Donc c'est des gens très reculés, hein, je veux dire, pour les comprendre. Moi j'ai galéré. Hein. Ils communiquent par radio là-bas. Hein. Ils n'ont pas la télé, ils ont l'électricité. Et il y a des postes frontières. Donc on comprend pas pourquoi. Mmh. Des postes frontières. Mais bah, pour vous surveiller la frontière, mais je veux dire, ils sont très bien équipés. Mais... Et puis le bateau est en panne. Donc ça arrive, hein, un bateau en panne, mais du coup là-bas, il n'y a pas de. Quand est-ce qu'il va être réparé, bah, on sait pas quoi. Puis on était plusieurs quand même, hein, plusieurs Européens à être bloqués là-bas. Une dizaine, une quinzaine, les jours commençaient à avancer dans les semaines. Puis à un moment donné, j'étais le seul à parler anglais et espagnol pour les comprendre. Et je dis aux gars, faut qu'on sache là. Au fermier, je dis, faut qu'on sache si on fait demi-tour. Parce que moi, il me restait plus beaucoup de nourriture, j'étais à pied avec un copain. Et je dis, soit on fait demi-tour, soit il faut qu'on passe, mais il faut qu'on sache vraiment. Donc là, il prend sa radio et il appelle. Et il me dit, ouais, c'est sûr, le bateau, il arrive. Je lui dis, mais t'es sûr de ton coup, parce que là, après, comment on fait? Eux commençaient à plus avoir de farine, parce qu'eux, ils vendaient des éléments de la nourriture, forcément. C'était un petit revenu pour eux. Et ils n'avaient plus de pain le matin, donc on n'avait plus grand-chose. Et puis, on attend, toujours rien. On attend le deuxième jour, et je dis au gars, bah là, tu t'es foutu de nous, il vient pas. Bah, je dis, je sais pas ce qui s'est passé, je peux pas savoir. Mais il dit, t'inquiète pas, dans 24 heures, je reviens, on tue une vache. Je dis, on va pas tuer une vache. Et il me dit, mais si, si. Du coup, dans la nuit, j'entends qu'il revient avec son troupeau et à cheval, hein, le gaucho. Hein. Et le lendemain, on était au lasso, en train d'attraper une vache, et on a tué une vache. Je vous jure. Donc du coup, moi je traduisais en anglais, il fallait pas qu'ils prennent des photos parce que le couteau dans la gorge c'était illégal, là-bas il y a des restrictions. Ouais. Mais du coup, ils voyaient bien que tout le monde mourait de faim. Enfin, c'était, Donc du coup, alors forcément, il s'en est bien sorti parce qu'il a vendu. Hein. Mm. Mais j'ai halluciné quoi. Au lasso, donc le lasso de cuir de la vache, de l'ancienne vache quoi. Ouais. Lui, c'est lui qui l'a fait. Hein. Il a attrapé, il m'a dit tu tiens le truc, et clac, au coup de couteau dans la gorge. Et après, on a étendu la vache pour que la viande se détende et tout ça quoi. Et puis le lendemain, on a fait un bel assado, quoi. Putain. Ouais, c'était impressionnant. Et le surlendemain, le bateau est venu. Et ça, c'était un truc. Ça, c'est une bonne anecdote pour les végétariens. Ouais, parce que l'assado, du coup, là-bas, c'est que de la viande, il n'y avait pas de légumes. Ouais. Mais ouais, ça a été assez intense. T'as anticipé, du coup, ma dernière question. Je voulais une histoire what the fuck, et du coup. Ah, voilà. Bah what the fuck, elle est là. Hein. Ça, je me rappellerai. Je l'ai écrit, j'ai écrit un petit... j'avais un petit carnet de bord et je notais tout ce qui m'arrivait. The survival. Ouais. Là, c'était... Non, mais j'ai perdu du poids hein, pendant ce... Mais vous êtes resté combien de temps là-bas? Je sais plus exactement, mais faudrait que je relise. Mais moi, j'avais peu de nourriture parce que j'étais à pied, donc j'avais tout mon barda. Ouais. J'avais laissé quelques affaires à Buenos Aires. Mais du coup, vu qu'il fait chaud, ainsi de suite, j'avais pas grand-chose. Mais tu fais quoi pendant 15 jours à attendre un bateau? Alors j'ai appris à pêcher sans canne à pêche avec un Chilien qui était là, quasiment à attraper le poisson. Non, il avait un pic, il utilisait une petite ficelle. On s'occupait des petits trucs, on marchait et puis on se reposait, on évitait de se dépenser au maximum. Vache. Ouais, c'était une... Il y en a plusieurs qui ont fait demi-tour parce qu'ils voyaient, ils comprenaient pas tout ce qui se passait. C'est compliqué quand on comprend pas ce qui se passe et on voit pas ce qui se passe. Voilà. Ok. Ce sera le mot de la fin. Ouais. Merci Alain. Merci à toi. C'est une trop bonne histoire pour conclure. Ben voilà. Merci beaucoup. Mais de rien. Allez, à bientôt Tony. Ciao, ciao. Salut. Un grand merci à Alain d'avoir accepté de passer devant mon micro. Et encore félicitations pour cette nouvelle aventure en tant que papa. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Vous pouvez retrouver d'autres épisodes de Let's Talk Venture sur YouTube, iTunes ou les applis de podcast dédiées. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à y mettre 5 étoiles sur iTunes et un pouce bleu sur YouTube et de partager. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Vas-y, dis-moi. J'étais en stop sur un carrefour et je comprends, enfin, je fais du stop quoi. J'attendais, puis au bout d'un moment, puis le soleil tapait. Pourquoi personne ne me prend? Je voyais de temps en temps des voitures. Alors, si j'en voyais une toutes les 2 heures, c'était beau. Mais tout le temps pleine. La voiture, elle était pleine, quoi. Ah, la gueule. Même le pick-up, tu étais chargé de matos. Mais qu'est-ce qu'ils font ici? Et en fait, quand tu es dans des milieux tellement isolés comme ça, et bah quand tu pars au village du coin, qui est quand même assez loin, bah tu préviens les voisins. Et du coup, bah, ils viennent avec toi ou ils emmènent du matos pour la famille ou je sais pas quoi. Donc du coup, les autostoppeurs là-bas, tu peux pas. Ah ouais, d'accord. Tu peux pas faire de stop. Ouais. Mais personne ne s'arrêtait pour me dire. Et donc du coup, bah, le bus est passé, j'ai arrêté le bus en stop. Quoi. Il m'a fait payer, mais c'était assez particulier. Et ouais, parce que là-bas, on est sur des routes. C'était la route que Pinochet a construite pour atteindre très rapidement le sud. Et c'est pas la Panaméricana, c'est côté chilien, donc non goudronné, mais faut y penser quand t'es dans des milieux isolés comme ça, bah tu peux pas faire de stop. Parce que les voitures sont pleines. Bah oui, bien sûr. Oui, voilà où. Ok, super. Ah, tu me fais revivre mon voyage. And give it to you.